Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je m'occupe de la Chine communiste, son infiltration en France et dans le monde, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et ses conséquences. Et alors, je fais des vidéos réservées à des souscripteurs, j'en suis à plus de 220, mais je fais aussi des vidéos publiques, notamment sur l'opposition contrôlée, c'est-à-dire des gens qui font croire qu'ils s'opposent au pouvoir alors qu'en fait ils reprennent un ou plusieurs des piliers du pouvoir. Donc l'opposition contrôlée, elle est soit marxiste comme le pouvoir, soit pro-parti communiste chinois comme le pouvoir, soit elle emmène les gens aux élections, qui n'existent pourtant plus depuis le référendum piétiné de 2005, soit elle passe dans les grands médias, hein, les Zemmour, les Philippot, etc., les Raoult. Soit elle est carrément pro-oligarchie. Et donc, il suffit d'un de ces facteurs pour être considéré par moi, en tout cas, pas comme membre de l'opposition contrôlée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui dans certains milieux, qui est Pierre Jovanovitch. Alors, vous avez peut-être entendu parler de lui, ça fait longtemps qu'il est journaliste. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui désinforme beaucoup. Et donc, je suis obligé de m'occuper de son cas, comme je me suis occupé du cas d'Alexandre Juvin-Brunet récemment, bien que lui soit récent dans l'espace public. Jovanovitch, lui, il est là depuis les années 80, donc il fait partie des meubles. Et je ne vais pas m'intéresser à ce qu'il a fait par le passé, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit et ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, tout est parti d'une attaque biologique lancée par le Parti communiste chinois, comme je le disais. Or, Pierre Jovanovitch n'accuse jamais le Parti communiste chinois, ce qui est quand même dérangeant. Il accuse Bill Gates, il accuse les banques, il accuse tout le monde, sauf Macron évidemment, sauf le Parti communiste chinois. Et ça, c'est un problème. C'est comme si en 40, personne ici, il ne mettait pas en cause Hitler. Vous voyez? Bon, alors ça, on savait qui c'était, qui n'accusait pas Hitler, voire qui applaudissait Hitler. Alors lui, pareil, le Parti communiste chinois, ça ne le dérange pas du tout, comme nous allons le voir. Donc c'est un gourou, ce n'est pas un mot exagéré. Un gourou, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction ou le débat. Et donc Pierre Jovanovitch fait partie de ces gens-là, qui refuse tout débat contradictoire, qui s'écoute beaucoup parler, qui a du mal à ce qu'on lui coupe la parole, qui est un peu comme Castro ou d'autres gens comme ça qui font quand il était sur la radio Ici Maintenant, par exemple, c'était des émissions fleuves de plusieurs heures, il s'arrêtait jamais. Et donc, il est proche de Richard Boutry et d'Alain Soral, deux autres gourous, autoproclamés quasiment. Pour Boutry, il l'a déclaré, face caméra, oui, je suis un gourou. Bon, Soral, on sait tous que c'est un gourou, mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait déclaré lui-même. Et comme Boutry et Soral, Jovanovitch raconte souvent n'importe quoi. Alors, je vais commencer par là, parce que c'est important pour ceux qui ne le connaîtraient pas. D'apporter des faits. Moi, je suis journaliste aussi, donc ma légitimité, je la tiens aux faits. Alors, il y a un site qui s'appelle Fact and Furious, qui est un site de vérification, fact-checking, comme on dit. Et alors, ce site, mais il m'a l'air un peu moins pire que les sites habituels des codeurs et autres. Et donc, ils ont publié un article le 23 avril 2021, dont je vais vous lire quelques extraits. C'était sur Pierre Jovanovitch. Alors Pierre Jovanovitch était l'invité de France Soir le 21 avril 2021, donc 2 jours avant qu'ils écrivent leur article, dans le cadre de l'émission Le Défi de la Vérité. Alors c'était un certain Richard Boutry qui l'interviewait, hein, au passage, puisqu'il a quitté le site France Soir quelques semaines plus tard seulement. Mais là c'était Richard Boutry qui l'interviewait, donc Jovanovitch venait y présenter le livre de Philippe Aymard, Enquête sur un virus, voilà, dont je vous reparlerai un peu plus tard. Alors, une information parmi tant d'autres a retenu notre attention, dit le site Fact and Furious. À la 21e minute, Jovanovitch évoque Infected, une bande dessinée. Selon lui, cette dernière serait une preuve de plus que la pandémie de Covid-19 était prévue de longue date. Infected est le titre de cet ouvrage, scénarisé par Jean-David Morvan et dessiné par Wang Jiawei. Ce livre retrace l'histoire d'une pandémie imaginaire. Néanmoins, cette histoire se trouve facilement un écho au vu de la situation actuelle. On reste cependant dans la fiction, l'histoire traitant d'un visiteur du futur venant de 2111 qui se rend à notre époque pour sauver le monde d'une future pandémie dévastatrice. Une maladie hautement contagieuse transmise à l'humain par une espèce animale, tout ceci fait désormais partie de notre quotidien. L'analogie était donc inévitable. Mais, dit le site, concentrons-nous sur les dires de Pierre Jovanovitch. Alors vous avez quelqu'un qui arrive du futur, donc là il le cite dans François, vous avez quelqu'un qui arrive du futur, donc qui arrive dans notre époque et qui prévient les commissaires de l'Union européenne qu'un vaccin va arriver de Chine, pourquoi pas d'Indonésie. Et pire, il arrive de Wuhan. Faut le faire quand même. 4 ans avant. 4 années avant, comment est-ce possible? Alors quand on lit ceci, dit le site, on est effectivement en droit de se poser la question, comment est-ce possible? Cette pandémie aurait-elle donc été prévue de longue date? Et ces instigateurs assez idiots pour dévoiler leurs plans secrets dans une bande dessinée? Alors cette bande dessinée... Oh, j'ai perdu la ligne. Cette bande dessinée a simplement été éditée par l'Union européenne pour une diffusion en interne principalement, dans un but informatif et préventif. Pierre Jovanovitch assène son argument avec conviction. Le problème, dit le site, est que cette BD est disponible gratuitement sur le site de l'Union européenne. Nous l'avons donc téléchargée. Le texte est rédigé en anglais, ce qui peut rebuter certaines personnes. Pas de chance pour Jovanovitch, je parle bien anglais, et alors j'ai pu lire la BD entièrement. Il semblerait par contre qu'il n'ait pas fait cet effort. À aucun moment il n'est question de Wuhan. Le début du récit commence bien dans un laboratoire P4, mais situé à Pékin. Comment se fait-il alors que Pierre Jovanovitch se soit laissé entraîner à une telle confusion? A-t-il confondu les deux villes ou a-t-il sciemment menti, juste pour appuyer son propos? Parfois la fiction rejoint la réalité, mais dans le cas présent, c'est Jovanovitch qui tord la réalité vers la fiction. Dans les 32 pages de PDF, vous ne trouverez nulle part le mot Wuhan. Un des aspects pratiques du format PDF est que vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Je vous incite donc à vérifier par vous-même. Il sort donc ce nom de ville de son chapeau, et cela colle, car cela colle à sa narration. 4 ans avant, comment est-ce possible? La pandémie de Covid-19 a débuté fin 2019, on s'attend donc à ce que cette bande dessinée date de 2015. Or, cette BD est sortie en 2011, il y a donc 10 ans. Comment a-t-il pu se tromper encore une fois sur cette information pourtant facilement vérifiable? Pierre Jovanovitch nous explique que dans cette bande dessinée, un personnage venu du futur va rapporter un vaccin provenant de Chine. Ce n'est pas le cas. Le héros vient bien du futur, mais on ne sait pas de quelle région du globe. De plus, l'épidémie présentée dans ce livre ne provient pas de Chine, mais d'un pays tropical en Asie. Aucun lieu n'est factuellement précisé. Voilà, donc ça c'était pour introduire, si vous voulez, le sujet Jovanovitch. C'est quelqu'un qui, malheureusement, diffuse énormément de fake news, et très peu repris par des gens qui oseraient lui dire « Attends, Pierre, qu'il l'invite ou autre », parce qu'il fait peur, honnêtement, quand on le regarde. Il fait des gros yeux, il a des tics très bizarres. Et donc, c'est les gens qui l'invitent ont peur de lui et ont peur aussi de l'influence qu'il représente sur Internet. Et donc, ne veulent pas braquer les gens qui suivent ce gourou. Voilà. Donc, ils n'osent pas le reprendre en direct. Maintenant, on va passer au fait que je considère, moi, Richard Boutry comme une opposition contrôlée. Donc, Il est pro-Raoult, il a soutenu le professeur Raoult depuis le début, et il continue de le faire malgré tout ce que le professeur Raoult a pu dire ou faire depuis, c'est-à-dire la vaccination par exemple, depuis janvier 2021. Je suis un fonctionnaire, on me demande de vacciner, je vaccine. Ou encore les phrases odieuses sur la séparation des familles dès qu'il aurait un testé PCR positif. Donc ça n'a pas dérangé... Monsieur Jovanovitch, au contraire, il n'a cessé de le soutenir à bout de bras, vraiment, en faisant là aussi un gourou de Raoult, Saint Raoult, allumant un cierge. Et donc, quand le professeur Raoult s'est fendu d'un tweet le même jour où il était l'invité d'honneur au Chinese Business Club, ce qui n'a pas du tout gêné Pierre Jovanovitch non plus, là aussi, un tweet qui disait qu'il fallait que les soignants, je cite de mémoire, se vaccinent systématiquement contre le virus, eh bien, Pierre Jovanovitch n'a pas compris. Voilà, il s'est fendu à son tour d'un tweet avec 2 points d'interrogation en disant « Je ne comprends pas. Pourquoi le professeur Raoult dit-il ça ?» En fait, il n'avait pas compris que le professeur Raoult faisait partie de l'oligarchie, faisait partie des pro-partis communistes chinois, et donc... Tout naturellement, quand il fait ce genre de tweet qui va dans le sens de l'oligarchie, eh bien, Jovanovitch ne comprend pas, parce que ça ne rentre pas dans sa grille de lecture qu'il impose à la réalité au lieu que la réalité lui façonne sa propre grille de lecture, ce qui est logique. Non, lui, c'est ça le propre de l'idéologie, c'est qu'on impose sa propre grille de lecture, forgée année après année, et qui est une grille de lecture donc communiste, comme on va le voir, et c'est pas exagéré que de le dire. Donc là, vous voyez les preuves hein, de ce que j'avance. Pour ceux qui connaissent pas les liens de Raoult avec l'oligarchie, les connexions sont très claires avec la fondation Mérieux, voilà, qui a donné les clés du P4 de Wuhan, avec Delfraissy, qui est à la fois la fondation Mérieux comme Raoult et à l'IHU de Marseille. Donc vous voyez, Douste Blasi, enfin, ils sont tous là. Et même son assistant Yanis Roussel, hein, et les liens avec Macron. Donc quand Macron rend visite à Raoult, ça ne dérange pas Pierre Jovanovitch. Donc c'est pareil avec les apologies de Raoult pour tout ce qui est chinois, une montre connectée chinoise, il a lui-même à l'IHU un robot PCR chinois, il a été donc au Chinese Business Club, etc., etc., etc. Il fait toujours l'apologie de la Chine communiste d'une manière ou d'une autre, il ne l'a jamais critiqué, tout comme Pierre Jovanovitch d'ailleurs. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont exactement sur la même ligne. C'est pour ça que Jovanovitch le soutient jusqu'à ce jour. Et donc ça, c'est un problème, parce que j'ai bien démontré que toute l'opposition contrôlée soutenait le professeur Raoult, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Et donc que Raoult ait poussé les tests PCR dès le début, via une machine chinoise notamment, ce qui a gonflé la fortune de son ami Alain Mérieux, dont la fortune est passée de 5 à 8 milliards d'euros entre 2019 et 2020, ça ne dérange pas Jovanovitch, qui d'habitude dénonce les milliardaires, comme on va le voir, avec Bill Gates. Mais non, parce qu'il a choisi ses riches, et donc il y a les bons riches et il y a les mauvais riches, donc selon Pierre Jovanovitch. Donc la France, pour lui, elle est ultra-libérale et aux mains des Américains. Je le cite sur NTD France, le 11 juillet 2021, là il y a un peu plus d'un mois, j'enregistre le 19 août. On vous dit que la Hongrie est un pays fasciste, il rigole, que la Chine est une dictature, mais aujourd'hui nous sommes dans une véritable dictature libérale hyper-capitaliste à la solde des États-Unis en France. Alors ça pourrait faire sourire ce genre de déclaration, parce qu'elle est dite avec une telle morgue et une telle assurance qu'on peut se dire, bon, soit le gars est complètement dingue, soit il y croit vraiment, mais je pense qu'il y croit vraiment, et ça c'est vraiment un problème, parce que quand on regarde un peu l'état de la France, surtout aujourd'hui, avec cette pandémie qui a plongé le monde entier dans le communisme le plus pur et le plus dur, faire ce genre de déclaration le 11 juillet 2021 et dire que on est une dictature libérale hyper capitaliste, à la solde des États-Unis en plus, alors que c'est à la solde du Parti communiste chinois, eh bien c'est très grave parce que Pierre Jovanovitch est suivi par énormément de gens qui lui font confiance malgré toutes ses erreurs et toutes ses fautes accumulées année après année et que l'effondrement allait arriver demain, vous verrez. Ça fait 10 ans qu'il dit ça, ou plus. Et donc, quand on regarde les faits en face, on a quand même la preuve absolue, définitive, que la France n'est pas ultra-libérale, ni hyper-capitaliste, ou je sais pas quoi, mais qu'elle est au contraire aux mains du communisme. Donc, quand on a le préfet l'allemand, préfet de Paris, qui cite Trotsky sur ses vœux de fin d'année, et que derrière Marlène Schiappa, qui est quand même ministre du gouvernement, hein, justifie cette citation de Trotsky en disant « Je crois que Trotsky a écrit beaucoup de choses qui sont très inspirantes, et donc chacun a le droit de le citer et de s'en inspirer. » C'est ça l'hypercapitalisme. Ou quand Emmanuel Macron lui-même dit « Je suis maoïste, car pour Mao, un bon programme, c'est ce qui marche. » Et d'ailleurs, « En marche », ça vient de la longue marche. Hein, c'est un hommage à la longue marche de Mao. Quand Sarkozy lui-même, hein, la droite dure, soi-disant pro-atlantiste, etc., dit « Je suis l'héritier de Jaurès, fondateur de l'humanité. Je veux remettre au cœur de la vie politique française les valeurs que la gauche a trahies. » Ça, c'est un. Et quand il fait l'ouverture à gauche, bon, ça, c'est un président de droite. C'est ça, l'hypercapitalisme. Ou quand François Hollande, son successeur, déclare « Il y a une culture communiste et je veux ici même lui rendre hommage. » Il a dit ça pendant sa campagne de 2012. Ou quand le Premier ministre qui a cohabité avec Jacques Chirac, Lionel Jospin, qui était un agent trotskiste infiltré, déclare « Je suis fier de compter des communistes dans mon gouvernement », quand Mitterrand lui-même avait des communistes à son gouvernement, évidemment. Alors tout ça, c'est l'hypercapitalisme. Quand Mitterrand a dû faire, en 83, ce qu'on a appelé un virage libéral, tu parles, c'était surtout un virage pour arrêter la folie communiste dans laquelle il avait nationalisé des banques, etc. Mais ça, c'est l'hypercapitalisme, selon Jovanovic, il n'est pas le seul. Il y a Michel Onfray qui passe tout le temps dans les médias, d'ailleurs. Jovanovic passe pas trop dans les médias. Mais des gens comme Michel Onfray, son discours est largement relayé dans les médias, hein. C'est le discours ultra dominant. Et donc, on pourrait citer Georges Marchais aussi, qui est un héros pour certains, dont Éric Zemmour, et qui disait le bilan de l'URSS est globalement positif. Bon, donc, c'est de la folie de croire que la France serait ultra capitaliste ou, enfin, je veux dire, c'est tout entrepreneur. En plus, lui, il a créé des entreprises, il a une maison d'édition, donc il connaît l'URSSAF, URSSAF. Comment est-ce qu'on peut connaître l'URSSAF, URSSAF, et dire qu'on est en système ultra capitaliste? L'éducation nationale est obligatoire ici, la retraite par répartition aussi, la CGT domine absolument tous les services publics, et même un certain nombre d'entreprises privées, qu'elle tient en otage souvent. On pourrait parler du statut des fonctionnaires, il y a tellement de choses, si vous voulez, avec des privilèges pour les gens qui sont dans l'État ou qui dépendent de l'État contre les gens du privé, qui travaillent souvent plus, et qui sont payés moins et qui ont leur retraite plus tard, que franchement, voilà, regardez un peu ce schéma. Vous voyez bien que l'influence de l'URSS entre les années 60 et 90, et puis l'influence du Parti communiste chinois depuis, n'a fait qu'augmenter la taille et le poids de l'État. On est passé de 35% du PIB géré par l'État sous De Gaulle, qui n'a pas fait les réformes anticommunistes nécessaires à son époque, et qu'on paye aujourd'hui avec Macron qui est à 62% en 2020. Non mais, alors ça serait l'ultralibéralisme. Il faut arrêter là, parce qu'on réfléchit à l'envers. Le rôle d'un intellectuel, c'est quand même de dire le réel. C'est pas d'inventer un truc qui nous conviendrait bien, qu'on pourrait faire des bons mots avec. Voyez? Donc ça, c'est un peu le problème du communisme, c'est qu'il invente une réalité pour dédouaner le communisme. C'est jamais communiste, Gérard Philoche disait, mais le communisme n'existe pas, donc il n'a jamais tué personne. Bon. Donc Pierre Jovanovitch, pour revenir à lui, il est obsédé par les banques. Ceux qui le suivent le savent bien. Il a fait une revue de presse depuis des années. Bon, il en parle comme Delamarche d'ailleurs, qui dit que tout va s'effondrer demain, mais bon, ces gens-là sont démentis par les faits chaque jour qui passe, donc ils sont quand même suivis, j'ai du mal à suivre moi-même. Par contre, il est obsédé par les banques, mais il ne parle jamais des banques chinoises. Et moi-même, j'ai fait une vidéo récemment, réservée aux souscripteurs, dans laquelle j'explique que les quatre premières banques au monde sont chinoises. Voilà. Et cinq des 10 premières banques mondiales sont chinoises. Mais ça n'intéresse pas Pierre Jovanovitch, vous voyez, il préfère se focaliser sur des banques comme la JP Morgan, comme la Goldman Sachs, Rothschild. Voilà. On n'est pas proche de Soral pour rien. Donc, je sais pas. Il parle, oui, des banques françaises, américaines, mais quand il parle des banques françaises, il rappelle jamais que ces banques sont tenues par des énarques ou des X-Men. L'énarchie française qui tient le pouvoir en France. L'ENA a été fondée par Maurice Thorez. Et quasiment tous les présidents de la République de la Ve sortent de l'ENA, à part De Gaulle évidemment, Mitterrand et Sarkozy qui étaient avocats. Mais tous les autres, ce sont des énarques, Macron y compris. C'est facile de dire Macron banquier. Il y a une chose qui regroupe bien plus les gens de l'oligarchie, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, dans les différents corps d'État, les inspections des finances, etc. C'est l'ENA, beaucoup plus que d'être banquier. Bon. Et puis, il est aussi obsédé par Bill Gates, qu'il met absolument à toutes les sauces, et qui le fait un peu un des maîtres du monde. Bon. Mais ça, c'est vraiment de l'obsession, là. Moi, on me dit, je suis obsédé, mais c'est faux. Justement, je sais m'adapter au réel. Là. Quand cette attaque biologique a frappé, j'ai tout de suite regardé d'où elle venait, et je me suis dit, tiens, il y a un angle mort sur la Chine communiste, là. On ne comprend pas ce qui se passe. Et depuis, je fais monter en compétence mes souscripteurs, ceux qui me font l'amitié de, voilà, de m'aider financièrement pour que je ne dépende de personne, d'aucun lobby, pour faire ce travail. Et du coup, moi-même, je monte en compétence et je les fais monter en compétence. Mais Pierre Jovanovitch, ça ne l'intéresse pas, lui. La Chine communiste, c'est Bill Gates qui l'intéresse. Alors, on ne sait pas pourquoi. Mais pour lui, c'est Bill. Alors, pour d'autres, c'est Soros. Pour d'autres encore, c'est je ne sais pas qui, Rockefeller. Mais non, Jovanovitch, son obsession, c'est Bill Gates. Alors, moi, j'ai une anecdote que j'ai révélée, hein, sur Bill Gates. J'ai fait toute une vidéo au public à laquelle je vous renvoie, qui démontre qu'il n'est pas du tout le maître du. C'est un milliardaire, ça c'est sûr. C'est une des premières fortunes du monde, ça c'est sûr aussi. mais il n'est pas du tout aussi puissant que Xi Jinping, par exemple. Et donc en 2015, Xi Jinping fait un voyage à Seattle, et il s'arrête donc dans la ville de Bill Gates, et Bill Gates lui propose d'aller dîner. Et Xi Jinping lui dit, ben non, t'es gentil, mais j'ai plus important à faire que de dîner avec toi. Donc il lui met un gros lapin. Et ça montre bien qui court après qui et qui a le pouvoir. Hein, qui? Et puis j'ai le même genre d'anecdote avec Zuckerberg d'ailleurs. Puisqu'un jour, Zuckerberg, donc qui est marié avec une chinoise et qui a appris le chinois, a demandé à Xi Jinping de nommer sa fille, de donner un nom à sa fille. Ce qui serait vraiment un honneur pour ce gars-là. Et Xi Jinping a refusé, de la même manière qu'il a refusé la proposition de dîner avec Bill Gates. Donc, vous avez ces gens-là qui courent après Xi Jinping. C'est Xi Jinping l'homme le plus puissant du monde, hein, et certainement le plus riche aussi, parce que sa richesse à lui, elle n'est estimée par personne. Mais je peux vous dire qu'à la tête de la Chine, vous avez la tête du cartel, en fait. Vous êtes à la tête du cartel, et donc c'est vous qui avez la plus grande richesse. Bref. Donc, LinkedIn et Microsoft. LinkedIn appartient à Microsoft, mais ces deux entreprises sont autorisées par Xi Jinping à exercer en Chine, donc ils travaillent ensemble, c'est évident, et leurs intérêts se rejoignent. Mais mettre de côté comme cela la Chine communiste et ne parler que de Bill Gates est franchement risible. Comme quand il dit que Bill Gates finance le journal Le Monde. Mais bon, les autres médias, il n'y a pas que Le Monde, hein. Le principal média en France, c'est pas Le Monde, c'est l'AFP. Et l'AFP, est détenu par l'État. Et l'AFP, elle fournit 80% des informations fraîches, voilà, qui sont reprises ensuite par les journaux des milliardaires notamment. Donc ça, il n'en parle jamais. C'est quand même fort de café. Enfin, ce n'est pas être objectif, surtout quand il est journaliste, il le sait parfaitement. Mais voilà, il ne parle pas de l'AFP parce que ça ne va pas dans son sens, c'est tout. L'AFP, c'est détenu par l'État, par des hauts fonctionnaires et souvent des énarques. Alors ça rejoint ma thèse et pas la sienne, c'est tout. Donc Bill Gates, bah, c'est un nain, hein, par rapport à Xi Jinping. Hein, je vous avais une petite illustration, comme Soros d'ailleurs, comme d'autres, même Klaus Schwab. Et aucun de ces gens-là n'a une armée de près de 3 millions d'hommes, comme Xi Jinping, ne détiennent pas 85% des médicaments d'Occident, les principes actifs. N'ont pas la plupart des terres rares dans le monde, contrairement à la Chine communiste, ils ne peuvent pas exercer un chantage à l'eau en Asie du Sud-Est avec 72 000 barrages. Bill Gates, sa fortune, elle permettrait peut-être de construire une centaine de barrages, mais 72 000. Voilà, Xi Jinping dispose de 92 millions d'agents dans le Parti communiste chinois. Bill Gates, il y a combien de gens dans sa fondation là? C'est une rigolade. En plus, si vous ajoutez à cela les 1,4 milliard d'esclaves mentaux que sont les Chinois enfermés dans un goulag numérique et menacés par le crédit social à tout instant, là vous avez du pouvoir, ça je peux vous le dire. Des ressources naturelles, des têtes nucléaires, un territoire gigantesque, des centaines de camps de concentration, avec tout ce qui va avec, notamment les prélèvements forcés d'organes, etc. Et puis un laboratoire P4 et bien d'autres technologies. Donc, franchement, comparer les deux est risible, c'est comparer la mouche et l'éléphant. Mais la Chine est cet éléphant dans le salon que tout le monde préfère ignorer parce que ça ne valide pas les thèses personnelles. Mais ça, on s'en fiche, c'est la réalité qui compte, et si on ne regarde pas la réalité en face, elle finit par s'imposer à vous parce que les faits sont têtus. Alors, il a publié un livre en tant qu'éditeur qui s'appelle Enquête sur un virus. Alors, c'est très bizarre parce que il en parle à la place de son auteur. Son auteur, on l'a jamais vu en interview face caméra. Il a accordé une interview comme ça à Care News, qui est un petit média écrit. Mais c'est Pierre Jovanovitch qui est. Alors ça, c'est pas normal. Alors moi, j'ai voulu interviewer cet auteur. Je lui ai proposé par Twitter. Il m'a dit oui. Et puis par la suite, ben, j'ai dû lui courir après parce que Pierre Jovanovitch a mis son veto. Voilà. Parce qu'il ne supporte pas qu'on puisse faire la promotion d'un de ses livres, si ce n'est pas lui qui en parle, ou parce qu'il craignait que son auteur soit ridiculisé, parce que sa thèse, c'est effectivement pas que la Chine communiste est à l'instigation de tout ça. Donc bref, c'est la censure qui règne. On retourne à cette histoire de gourou. Je suis sûr que le journaliste était très partant, il m'a accordé cette interview, et puis finalement, il a dû ronger son frein. Et voilà. Donc, La loi de 73, c'était un livre qu'il a édité aussi auparavant, un livre de Pierre-Yves Rougeron, donc il a pris sous son aile, c'est un peu c'est devenu son mentor, si vous voulez. Et ce livre-là, moi, c'est pareil, c'est un livre qui est faux de A à Z, et qu'ont bien démonté Lior Chamla et Magali Pernin. Et donc j'avais proposé, moi, un débat, à l'époque où je m'occupais d'enquête et débat, j'avais proposé un débat à Pierre-Yves Rougeron, que je connais bien, c'est grâce à moi qu'il est rentré à l'école de guerre économique. Et donc, mais comme c'est un ingrat, voilà, il m'en a jamais... il m'en a jamais remercié publiquement, en tout cas, il ne fait que cracher sur moi, mais peu importe. Donc j'avais proposé un débat à Pierre-Yves Rougeron là-dessus, et qu'il n'a jamais accepté, évidemment, puisque, tellement courageux qu'il est... Et ça, c'est, voilà, c'est comme Pierre Jovanovitch, si vous voulez, il n'accepte pas le débat. Ces gens-là sont des lâches, ils s'écoutent parler, ils sont des gourous, et beaucoup de gens tombent dans leur piège parce que, je sais pas, voilà. Au bout d'un moment, faudrait finir par comprendre, parce que on perd beaucoup de temps avec ces gens-là, à écouter leurs mensonges. Je les ai cités quand même des faits très précis, vérifiables, sourcés, publics. Et donc, je vous invite à faire un peu votre enquête pour arrêter de croire dans ces guignols. Même si vous-même, vous partagez certaines de leurs idées, essayez de voir si ce sont des idées qui sont vraies. Parce qu'au bout d'un moment, l'illusion, c'est bien, mais ça ne nourrit pas son âme. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien, gardez la foi, et vive le Christ Sauveur. Au revoir.